Donc nous sommes arrivés à la sourate Al-Adiyati Dhabha. Qui la connaît par cœur? Anis, non? Non? Deux jeunes. Et toi, comment c'est ton prénom? Ahmed, tu la connais? Chouya. Al-Adiyati Dhabha. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. Donc encore une fois, comme dans, ça nous arrive souvent, on rencontre des versets, une sourate qui commence par al-qasam, par un serment. Donc le waw ici, encore une fois, comme dans wash-shamsi wa duhaha wa tini wa zaytoun, ça veut dire je jure. Allah jure. Par quoi est-ce qu'il jure? Wal-adiyat. Al-adiyat, ça vient du verbe ada ya'du, qui veut dire aller vite, comme courir plus ou moins. Donc de qui ça parle ici l'adiyat? Donc l'adiyat ici il est au pluriel féminin. Non, ça parle des chevaux. Parce que en fait en arabe, quand on parle d'animaux au pluriel, on le traite comme un féminin. Donc l'adiyat, ça parle des chevaux. Les chevaux lorsqu'ils galopent. Et babha, c'est pour ça que ça ne peut pas vouloir dire les anges, à cause du mot babha. Parce que babha, c'est le bruit, alors je ne sais pas comment c'est en français, c'est le bruit que les chevaux ils émettent quand ils galopent. On connaît tous ce bruit, on l'a vu dans les films, etc. Bon, peut-être en réalité. Donc, wal-adiyat, c'est-à-dire je jure par les chevaux qui galopent, dabha en faisant donc ce bruit. Donc ça c'est le tafsir de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il expliquait ceci, il expliquait ce verset de cette façon. Falmuriyati qadha. Alors, al-muriyat, ça vient du verbe awra qui veut dire allumer. Comme dans le verset du Coran, afara'aytum an-nar allati turun. Turun, c'est-à-dire que vous allumez. Donc, falmuriyat, et le fa ici, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que ça parle toujours de la même chose. Si c'était un nouveau waouh, ça voudrait dire que ça pourrait être plusieurs choses différentes par lesquelles Allah a juré. Mais le fait qu'ils disent fa, c'est comme pour faire une liaison avec ce qu'il y a avant. Donc ça part toujours de la même chose. Donc les chevaux, et il les a qualifiés de muriyat. C'est-à-dire qui font du feu, qui allument. Qadha. Qadha, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie faire du feu. Enfin, le qadha, c'est mais en frottant. Donc en fait, ça part des chevaux qui galopent. Et ils vont tellement vite que leurs sabots, sur le sol, en frappant les cailloux, ils font des étincelles. Donc ça, c'est pour montrer tout ça, pour exprimer la vitesse de ces chevaux. Falmurirati subha. Falmurirat, ça vient du verbe arara. Arara, qu'est-ce que c'est? Par exemple, une armée, elle se dirige vers une ville, ou vers une autre armée, et elle fonce vers eux. Ça, c'est arara. Assaillir, plus ou moins. Donc, falmurirat, c'est-à-dire que, toujours en parlant des chevaux, donc par les chevaux qui attaquent subha, qui attaquent le matin. Donc en fait, ici Allah jure par les chevaux, lorsqu'ils galopent, ils galopent très vite au point de faire des étincelles par terre, et les chevaux en fait qui servent, ici ça parle d'un contexte de guerre. Donc les sourates, cette sourate elle a été révélée à Mecca. Et à Mecca il n'y avait pas encore de guerre entre les musulmans et les mouchriquins, mais tout simplement ça peut faire allusion à ce qui existe depuis toujours chez les êtres humains. Pas seulement au djihad qu'il y a eu par la suite entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquins, mais à ce qui a toujours existé, c'est-à-dire les guerres entre les tribus, entre les peuples, etc. Donc Allah a juré par les chevaux dans ce contexte-là, parce que c'est un des grands signes d'Allah. Le fait qu'il ait créé cet animal et que l'homme il arrive à le soumettre pour arriver à certaines de ses fins. Falmurirati subha, donc par celles qui attaquent le matin, c'est-à-dire par les chevaux quand ils attaquent, ils galopent et ils attaquent le matin. Fa'atharna bihi naqa'a. Fa'atharna, c'est-à-dire que les chevaux atharna, c'est-à-dire ils ont pour effet, bihi, par lui, par quoi? C'est-à-dire bil'adou, par leur course, naqa'a. Naqa'a, c'est al-ghubar, comme de la fumée. Donc c'est-à-dire, fa'atharna bihi naqa'a, donc ils attaquent le matin et ils produisent de la fumée, de la poussière, parce que il galope. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna, c'est-à-dire qu'on en comprend qu'ils arrivent au milieu. Bihi. Bihi, là, ça parle de qui? Birrakib. Fawasatna bihi, c'est-à-dire, elles arrivent, donc, ou plutôt, ils arrivent, les chevaux, parce que quand on parle en français, on va dire au masculin. Et bihi, c'est-à-dire avec celui qui est sur lui, sur le cheval. Fawasatna bihi, elle l'amène au milieu d'un jama'. Et c'est quoi un jama'? Un groupe. C'est-à-dire, donc, ça parle des chevaux quand ils attaquent le matin, ils soulèvent de la poussière et de la fumée tellement ils courent et tellement ils sont nombreux, et ils amènent l'homme jusqu'au milieu du jama'a. Jama', c'est-à-dire le groupe. Ils amènent l'homme jusqu'au milieu de ses ennemis. Donc, en fait, ces versets, ils nous font imaginer, en fait, une scène, comme une scène de bataille. Les chevaux qui courent avec des gens dessus, ils font des étincelles, ils soulèvent de la poussière et ils entrent dans les lignes ennemies avec celui qui est dessus. Et bien sûr, le reste de la sourate, il n'a plus rien à voir avec les chevaux. C'est juste qu'Allah a juré par ça. Allah a juré par les chevaux dans ce contexte-là. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge des chevaux. Il a dit « Al-khaylu » Maktoubun fi nawasiha al khayru ila yawm al qiyamah. Il dit le bien est inscrit sur le front des chevaux jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que c'est un animal qui est mubarak, qui est béni pour l'homme. Et qu'Allah a soumis à l'homme, et grâce à cet animal, comme avec le dromadaire ou autre, l'être humain il a pu en tirer énormément d'utilité. Donc sur quoi est-ce qu'Allah a juré? Jusqu'ici, Allah a juré. Donc pour dire quoi? C'est le verset suivant. Innal insana li rabbihi lakanud. Certes, l'être humain, donc c'est-à-dire l'être humain en général, le genre humain, li rabbihi vis-à-vis de son Seigneur, lakanud. Il est kanud. Kanud, ça signifie comme kafour. Ça veut dire ingrat. Et le Hassan al-Basri, rahimahullah, il expliquait ce verset en disant Ya'uddul masa'ib wa yansan ni'am. L'être humain, il est comme ça. Il compte les malheurs qui lui arrivent, mais il oublie les bienfaits. C'est-à-dire que si tu... Dans les jours qu'il vit, etc., les malheurs, il les voit, en gros, il les note. Les malheurs qu'Allah lui destine. Par contre, les bienfaits, il n'y fait pas attention. Il se concentre sur ce qui est négatif. Il est ingrat envers Allah. Et également, ce verset, il s'explique dans le sens où il est kanoud, il est kafour, c'est-à-dire il est ingrat envers Allah, et il n'aime pas donner le haqq qu'il doit donner aux gens. C'est-à-dire... Il n'aime pas donner ce qu'il doit donner aux gens. Par exemple, la zakat. Ou par exemple, nourrir et loger sa femme et ses enfants et les habiller. Ou alors, s'il a une dette, ça va être dur pour lui de la sortir et de la donner. C'est-à-dire que l'être humain, par nature, ce qu'il doit, c'est dur de le sortir. Par contre, il aime bien recevoir. Wa innahu ala dhalika la shahid. Et certes, il est témoin de cela. Alors, de qui ça parle ici? C'est pas précisé. Innahu. Donc, si on dit la règle en arabe, c'est que quand on a un pronom, donc là le pronom c'est hu. Wa innahu. Le hu ça correspond à il dans la traduction. Donc ça parle de qui? Ben, la règle en arabe elle veut que ça parle du dernier qui a été mentionné. Là c'est qui le dernier qui a été mentionné dans? Ben, il y a l'insan et après il y a les rabbi. Donc ça peut vouloir dire l'être humain, il en est témoin, c'est-à-dire lui-même, en vérité, l'être humain, il reconnaît qu'il est ingrat, parce que c'est quelque chose d'évident. Ou ça peut vouloir dire, et Allah est témoin de son ingratitude. En vérité, le verset, il peut vouloir dire les deux. À partir du moment où il n'y a rien qui nous précise que c'est l'un ou l'autre, ben c'est que les deux sens, ils sont valables dans le verset. L'être humain est témoin contre lui-même, et notamment, à quoi ça fait allusion? Au jour de la résurrection. De la résurrection, l'être humain il va témoigner contre lui-même. Et Allah, bien sûr, est shahid, c'est-à-dire est témoin de ce que fait l'être humain. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Wa innahu, donc ça c'est l'être humain, li hubbil khayri. Alors, hubbul khayr, ça veut dire l'amour du bien, mais ici le bien il veut dire al-mal. Donc parfois dans la langue arabe, on peut appeler al-mal, c'est-à-dire les biens, l'argent, al-khayr. Alors qu'al-khayr, normalement, c'est plus général, ça veut dire le bien. Mais selon le contexte, al-khayr il s'explique par al-mal. C'est comme dans le verset de la sourate al-Baqarah, kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf. Allah dit, il vous a été prescrit si l'un d'entre vous meurt et qu'il laisse du khayr. C'est quoi le khayr que le mort il va laisser? Et il doit écrire un testament pour le donner, s'il veut le donner à des gens. Ben c'est l'argent, les biens matériels. Donc ici également, ça veut dire les biens matériels. Parce que ici, la sourate, est-ce qu'elle fait l'éloge de l'être humain ou le blâme de l'être humain? Le blâme. Donc le khayr ici, ça ne veut pas vouloir dire le khayr, vraiment le bien. L'islam, la bienfaisance. Sinon, ça voudrait dire que d'un coup, Allah il dit, l'être humain il est ingrat, et après il dit, et il aime le bien. C'est pas... Non, ça ne va pas ensemble. Al-khayr ici, c'est dans le sens, al-khayr pour lui, c'est-à-dire tout ce qui lui est, ce qui est bon pour lui, donc c'est-à-dire les biens matériels et l'argent. Les sahaba al-tabi'in, ils l'ont expliqué comme ça, al-khayr, yani al-mal. Ici, ça veut dire l'argent. Donc, shadid. Shadid en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça exprime, c'est comme intense ou fort. Et après, fort dans quoi? Ça dépend de quoi on parle. Donc là, Allah dit, wa innahu li hubbil khayri. Donc dans hubbul khayr, dans l'amour de l'argent, il est shadid. Il aime énormément les biens matériels, il aime énormément l'argent. Donc ça, qu'est-ce qu'on en comprend? Donc c'est que Allah, juste avant, il dit qu'il est ingrat, et après il dit qu'il aime trop l'argent. Donc c'est cet amour de l'argent qui le rend ingrat. Et Allah dit ensuite, afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Ne sait-il pas lorsque bu'thira, lorsqu'on fera sortir ce qu'il y a dans les tombes. Ça parle de quoi? Ça parle des morts au jour du jugement. Des corps, là ça parle du physique. Pourquoi? Parce que juste après ça parle des cœurs. Donc pourquoi ceci, après avoir parlé de l'ingratitude de l'être humain et de son amour de l'argent? Eh bien c'est parce que, qu'est-ce qui fait qu'il est ingrat, qu'il aime tant l'argent? C'est parce qu'il ne pense pas au jour de la résurrection. Et donc penser à l'au-delà, penser au jour de la résurrection, plus tu y penses, plus ça te sauve de ça. Parce que l'argent, tu vas... Aimer l'argent, ça c'est normal. C'est pas un mal en soi. C'est normal, c'est une nature. C'est une nature qu'Allah a mise en l'être humain, comme la peur, etc., qu'il faut qu'il survive. C'est normal qu'il aime l'argent, parce que c'est grâce à, entre guillemets, grâce à l'argent, qu'il peut manger, boire, etc. C'est son moyen d'acheter ce qui lui est utile, de se marier, d'acheter une voiture. Donc c'est normal d'aimer l'argent. Le problème, c'est shadid, c'est qu'il aime trop l'argent et que ça le détourne du rappel d'Allah et ça le rend ingrat. Donc pour éviter ça, il faut beaucoup penser à la résurrection. C'est pour ça qu'Allah a dit « Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur ». C'est-à-dire, s'il pensait à ça, il ne serait pas de cette façon. Donc Allah a parlé de « bu'thira ma fil qubur ». Ce qui est dans les tombes sortira, le fera sortir, c'est-à-dire les corps. Et le verset suivant, wa hussila ma fi soudour. Donc hassala en arabe, ça veut dire acquérir. Donc qu'est-ce que veut dire ici wa hussila? Abdallah ibn Abbas, il a dit, ici ça signifie wa zahara ma fi soudour. Zahara, c'est-à-dire ma fi soudour, ça veut dire ce qui est dans les poitrines, donc dans les cœurs. Donc hussila, yani zahara, il va apparaître. Donc regardez comment Allah a parlé du physique et du moral. C'est-à-dire, il a dit les corps, on va les faire sortir. Et juste après, il a dit, et ce qu'il y a dans les cœurs, on va le faire sortir aussi. Il n'y a pas que les corps qui vont ressortir, mais tout ce que l'être humain a caché dans son cœur au jour de la résurrection, et donc notamment ses intentions, sa jalousie, etc., etc., et bien ça aussi, ça va être apparent. Sauf pour le croyant qu'Allah voudra cacher et voudra préserver du regard des gens. Mais sinon, l'être humain, donc, eh bien Allah, ce jour-là, va faire sortir ce qu'il y a dans les cœurs. Il ne pourra pas cacher ses intentions, sa jalousie, sa haine, etc. etc. وَبُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذٍ لَا خَبِيرٍ إِنَّ رَبَّهُمْ. Donc certes, leur Seigneur, ce jour-là, يَوْمَ إِذٍ Bihim, c'est-à-dire vis-à-vis d'eux, la khabir, il sera khabir. Khabir, c'est comme alim, mais plus. Alim, ça veut dire alima, qui veut dire savoir. Et khabir, al-khibra, ça désigne un savoir profond. Comme en français, on dit un khabir, c'est le mot qu'ils utilisent de nos jours pour dire un expert. Pour faire pour le désigner un expert, ils ont pris le mot en arabe khabir. Pourquoi? Parce que al-khibra, c'est le fait, c'est une connaissance profonde. Donc justement, pourquoi Allah a dit la khabir? Parce que juste avant, il parle des cœurs. Donc le savoir d'Allah, il parvient jusqu'à ce qu'il y a dans, il enveloppe aussi ce qu'il y a dans les cœurs. Donc c'est pour ça que il a dit la khabir. Et pourquoi il a dit donc leur Seigneur ce jour-là sera khabir d'eux. C'est-à-dire il sera bien au courant d'eux, bien savant de bihim, c'est-à-dire de ce qui les concerne. Est-ce que ça veut dire qu'avant ça il ne l'est pas? Non, on sait qu'Allah est toujours khabir. Il a toujours été khabir. Alors pourquoi il dit leur Seigneur ce jour-là sera khabir? Voilà. Là, comme quoi il le sait, mais surtout c'est pour nous faire comprendre la suite. C'est-à-dire qu'on le sait qu'Allah est khabir. Et on le sait qu'Allah est khabir au jour du jugement et avant le jour du jugement. Donc pourquoi il nous dit, ce jour-là, je serai khabir de vous? Pour faire comprendre, je serai khabir et donc, vous n'échapperez pas à mon jugement. Et je vous jugerai en toute connaissance et en toute science. Donc les versets, parfois, c'est possible que quand tu lis le verset tout seul, tu dis, bah, on le sait, c'est-à-dire, leur Seigneur sera khabir, mais il l'est déjà. Alors pourquoi il nous dit ce jour-là, spécialement? Pour la suite, qu'est-ce que ça implique le fait qu'Allah est khabir ce jour-là? Ça implique son jugement, ça implique que rien ne pourra, personne ne pourra lui cacher quoi que ce soit, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est une menace. C'est un peu comme dans le verset Maliki Yaoumiddin. Maliki Yaoumiddin. Malik, c'est le possesseur, c'est-à-dire celui qui contrôle, qui possède. Du jour de la rétribution. Quelqu'un il pourrait dire, bah, Allah, il n'est pas déjà Malik ou Malik. Allah, il est Malik même avant. Alors pourquoi il a précisé Malik Yaoumiddin alors qu'il est Malik déjà avant le jour de la résurrection? C'est pour que tu comprennes qu'au jour de la résurrection, certes, Allah a toujours été Al-Malik et Al-Malik, avant et après, mais c'est pour t'indiquer qu'au jour de la résurrection, Al-Mulk, la possession que les êtres humains, ou la royauté que les êtres humains ils peuvent avoir sur terre qu'Allah leur a laissée, n'aura plus du tout. Il n'y aura plus de royauté, plus personne ne possédera quoi que ce soit. Donc Al-Mulk complet, il va apparaître à ce moment-là. Parce que ici-bas, Allah a laissé un peu de Mulk aux êtres humains. Il leur laisse un peu de possession, il leur fait posséder des choses, il leur donne l'autorité à certains sur d'autres. Mais au jour de la résurrection, c'est Allah Al-Malik seul et absolu dans le sens où là, plus personne n'aura de possession ni d'autorité. Donc, parfois, le verset, tu peux te dire, ben pourquoi? Il dit par exemple, le Malik au jour de la résurrection, Khabir au jour de la résurrection. C'est pour que tu comprennes autre chose. Donc ça, c'était pour la sourate Al-Adiyat. La sourate suivante, Suratul Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Donc, Al-Qari'ah, ça veut dire celle qui, entre guillemets, qui fracasse. Qari'ah, c'est quand tu frappes quelque chose et tu le foudroies et tu le brises, tu le casses. Donc, c'est quoi Al-Qari'ah? C'est le jour de la résurrection. Donc, le jour de la résurrection, on voit que dans le Coran, il a beaucoup de noms différents. Et pourquoi Allah lui a donné beaucoup de noms? C'est pour lui donner une grande importance. Et aussi pour lui donner différentes caractéristiques. Donc, Al-Qari'ah, ça c'est un des noms qui fait peur du jour de la résurrection. Par exemple, je vous donne un autre exemple comme ça qui vient à l'esprit. Allah l'a appelé également Al-Waqi'ah. Là, ça exprime quoi Al-Waqi'ah? C'est celle qui va se produire, le jour qui va se produire. Donc là, c'est plus pour exprimer le fait que c'est une vérité. Al-Qari'ah, c'est plus pour exprimer que c'est un jour terrible. Donc c'est un jour qui va, entre guillemets, écraser, fracasser les êtres humains ou un grand nombre d'êtres humains. Donc Al-Qari'ah. Après, Allah dit, Mal-Qari'ah. Qu'est-ce que Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Et qui te fera savoir ce qu'est Al-Qari'ah? Donc ce genre d'expression, maintenant, ça y est, on a compris ce que ça veut dire. On l'a déjà vu plusieurs fois. À chaque fois, ça signifie le fait de donner une grande importance à la chose dont Allah parle. C'est pas une réelle question. Qu'est-ce que le Qari'a? Allah sait ce qu'est le Qari'a. Mais c'est pour que l'être humain, pour attirer l'attention de l'être humain vis-à-vis de ce jour. Donc Allah ensuite a décrit le Qari'a, le jour du jugement. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil. Le jour où les gens seront comme des al-farash. Donc le farash, on aurait tendance à le traduire par les papillons. Parce que les papillons en arabe, c'est al-farash. Mais ici, ce n'est pas vraiment c'est pas les papillons, les beaux papillons qu'on voit là, tout ça. En fait, al-farash, ici, ils l'ont expliqué par la nuit, parfois quand on allume un feu, on voit plein de bêtes qui tournent autour, des bêtes volantes. Ce n'est ni des moustiques, ni des mouches. Ben ça s'appelle farash. Donc, même en français, je ne sais pas ce que c'est. Bon, bref, c'est des bêtes comme ça, puis elles volent un peu dans tous les sens. Et elles volent n'importe comment, elles se croisent les unes les autres, certaines elles tombent dans le feu. Donc Allah compare l'état des êtres humains au jour de la résurrection à ces bêtes-là. C'est-à-dire que quand ils vont sortir de leur tombe, ils seront comme ça, éparpillés, ils se croisent les uns les autres dans un désordre total. Ça, c'est pour montrer à quel point ils seront désemparés. Al-Mabthouth, ça veut dire, Batha, ça veut dire répandre. Donc les bêtes, al-Farash, al-Mabthouth, qui sont répandues. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça dans tous les sens. Et les montagnes seront comme al-ihn, ça signifie as-souf. Comme la laine, al-manfouch. Al-manfouch, ça signifie la laine qui est, c'est-à-dire par exemple, on imagine un tapis avec de la laine, ou alors de la laine, une boule de laine, puis on fait comme ça. Et après, la laine, donc, elle se défait, ou alors elle est très usée, et elle s'en va comme ça. Quand la laine, elle est fort usée, ou alors quand on l'a frottée, ou quand on l'a grattée. Eh bien, c'est ça le Aïn al-Manfouch. C'est-à-dire la laine défaite. Donc il dit, et quand les montagnes seront comme la laine qui est, entre guillemets, défaite. C'est-à-dire que les montagnes qui sont fortes, qui sont puissantes, solides, elles ne seront plus rien du tout. Et dans d'autres versets, Allah dit qu'elles seront comme la poussière qui passe. Ici, quand on regarde le premier verset qui compare les êtres humains aux bêtes autour du feu, là, dans la nuit, ça se passe après la résurrection. C'est-à-dire une fois que la terre a été chargée en une autre terre et que les êtres humains sortent des tombes. Par contre, c'est quand que les montagnes seront pulvérisées. Ça, c'est à la fin de la terre telle qu'on la connaît. C'est avant la résurrection. Donc, puisque on sait que donc il y aura la fin du monde, quand l'ange va souffler dans la trompe, et que là, il va se passer beaucoup de choses à ce moment-là. Donc tous ceux qui seront sur la terre, ils seront foudroyés. Et c'est à ce moment-là que les montagnes, elles seront pulvérisées. Et après, donc Allah va changer la terre en une autre terre, et il va muddat, il va l'étendre, et donc il n'y aura plus aucune montagne dessus. Les montagnes auront été pulvérisées. Donc ça, c'est avant la résurrection des corps. Donc c'est pour ça, Ibn Ashur, le grand savant tunisien qui a fait le savant du tafsir, le tafsir du Coran, il dit c'est pour ça qu'Allah a répété le verbe Yakounu et Takoulou, pour dire que c'est deux choses différentes. Donc un verset, il exprime ce qui va se passer après, et un autre verset, donc comme c'est comme le départ d'un nouveau monde, donc là c'est l'histoire des, entre guillemets, des papillons. Les êtres humains, la comparaison des êtres humains. Et la fin du premier monde, entre guillemets, la fin de cette phase du monde qui est avec la pulvérisation des montagnes. Donc ce jour-là, qu'est-ce qu'il va se produire? Allah dit, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, c'est-à-dire ce jour-là. Quant à celui dont les balances seront lourdes, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, il sera dans une existence, l'Aïcha, c'est une existence, une vie, رَاضِيَةٍ. Radia, c'est-à-dire satisfaite, mais dans le sens où lui, il est satisfait. En fait, ça veut dire une existence heureuse, une existence sereine. Il n'a plus aucun souci, il n'a plus aucune préoccupation, plus aucune chose dont il aurait besoin. Il est radia complètement. C'est-à-dire qu'il est complètement satisfait, complètement serein. Il n'y a plus rien de négatif. Donc ça, c'est pour qui? Celui dont les balances seront lourdes. C'est-à-dire qu'il aura fait beaucoup de bonnes œuvres et que ces bonnes œuvres seront plus nombreuses que ses péchés. Alors ici, on peut parler de justement qu'est-ce qui fait que les œuvres sont lourdes. Donc, bien sûr, en premier lieu, c'est quoi la première chose qui fait que des œuvres sont lourdes dans une balance? C'est ça. Pardon? Non, je veux dire qu'est-ce qui fait que les œuvres elles sont lourdes? Non, d'abord, c'est qu'elles sont nombreuses, la première chose qui vient à l'esprit. C'est qu'elles sont nombreuses. Si je mets des pommes dans une balance, qu'est-ce qui fait que la balance elle pèse plus? C'est parce que j'en ai beaucoup. Pardon? Voilà, ça c'est la deuxième chose. Donc la première, c'est que les œuvres, elles peuvent être nombreuses. Et Allah, dans le Coran, nous pousse à faire de nombreuses œuvres, des bonnes œuvres, à en faire le plus possible. Mais ce n'est pas seulement. Ça peut être aussi la qualité de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre seule, elle est très lourde. Et donc, qu'est-ce qui fait que, les savants, ils ont discuté sur ça, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre, elle est lourde? Si on parle des différentes œuvres dans l'islam, par exemple la salat, la zakat, le jeûne, l'obéissance aux parents, eh bien on sait, quand on lit les hadiths, on sait qu'il y a des œuvres qui sont meilleures que d'autres. Par exemple, la salat, il n'y a pas de doute que, les cinq prières obligatoires, il n'y a aucun doute que c'est plus lourd que la bienfaisance envers les voisins. Alors que la bienfaisance envers les voisins, c'est lourd également. Il n'y a pas de doute que la bienfaisance envers les voisins, c'est plus lourd que d'enlever un obstacle du chemin. Et ainsi de suite. Donc les œuvres entre elles, elles sont plus ou moins fortes. Mais également, une même œuvre, d'un individu à l'autre, ou d'une circonstance à l'autre, elle peut être plus ou moins lourde. Si on parle par exemple de l'aumône, la même aumône d'une même personne, à un moment elle peut être légère et à un autre moment elle peut être lourde. Qu'est-ce qui fait qu'elle sera légère ou qu'elle sera lourde? Ça peut être la niyya, l'ikhlas. Le fait que la personne elle ait une intention très forte à ce moment-là, d'avoir la récompense d'Allah, la satisfaction d'Allah, ça fait qu'une œuvre qui peut être en apparence minime, grâce à son intention, elle pèse très lourd. Alors qu'au contraire, une œuvre qui en apparence est très lourde, comme par exemple le Hajj, alors que la personne n'a pas une très bonne intention, elle le fait pour Allah, puis en même temps parce qu'elle se dit j'ai envie qu'on dise deux mots, j'ai fait le Hajj, eh bien, auprès d'Allah, elle devient légère, peut-être plus légère qu'une personne qui fait une simple sadaqa. Donc l'ikhlas, ça joue, l'intention. Il y a aussi également ce qu'on appelle un nafa, yani le maslaha, l'utilité pour autrui. Parfois, le fait qu'une œuvre elle soit utile pour autrui et d'une utilité plus ou moins grande, ça peut alourdir l'œuvre. Comme dans l'exemple du hadith avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé d'une yani imra'atun bari, c'est-à-dire une femme, une fornicatrice, une prostituée de Bani Israël, des enfants d'Israël, c'est-à-dire du peuple de Moussa. Donc c'était une croyante, elle était soumise à Allah, elle priait tout ça, ça y a aucun doute, puisqu'il a dit une Bani Israël. Puisque si elle ne l'était pas, elle n'aurait pas eu de récompense. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Bari, c'est-à-dire qu'elle est dans un péché énorme, un péché très grave, qui est la fornication. Et pourtant, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il a dit que cette femme, un jour, elle voyageait seule et elle mourait de soif. Elle a trouvé un puits. Donc vous connaissez l'histoire. Elle est descendue dans le puits. Elle a ramené de l'eau avec sa botte. Elle a bu. Et une fois en haut du puits, elle a vu un chien qui était dans le même état qu'elle. Et donc elle est redescendue dans le puits pour abreuver ce chien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour cette œuvre-là, Allah lui a tout effacé. Son péché qui était énorme et qu'en plus elle répétait. Et on comprend même du hadith, c'est qu'elle ne s'est pas repentie de ce péché, elle le faisait sans se repentir. Ben, cette œuvre, elle a effacé tout ça. Pourquoi? Parce que là, le chien, ce n'est pas comme si tu lui donnes à boire tous les jours. Là, c'est face à la mort, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette eau, il meurt. Donc l'œuvre, elle a été grande de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'utilité que l'œuvre, elle a eue. Donc parfois, le fait de dopa, c'est comme donner une sadaqa par exemple à quelqu'un qui est dans le besoin normalement, et donner une sadaqa à quelqu'un qui meurt de faim. Ben, le fait qu'il meurt de faim, il n'en peut plus, tu lui donnes sadaqa, c'est plus grand que lui donner une sadaqa dans la vie courante où ça va, il mange, il boit, etc. Pourquoi? Parce que ton œuvre, là, elle va répondre à une urgence. Elle va répondre à un besoin qui est encore plus grand. Après, il y a d'autres choses aussi, le fait que la pitié qu'elle a eue. C'est-à-dire qu'elle a fait preuve d'une grande pitié à ce moment-là en vis-à-vis de ce chien. Alors que le chien, généralement, c'est plutôt un animal envers lequel l'être humain, justement, elle aurait pu se dire, comme plein de gens, ils se seraient dit, bon, bah, c'est qu'un chien, il meurt, il meurt. Donc tous ces petits critères-là, ça a fait que son œuvre, elle a eu un poids immense, qui fait que peut-être une personne, elle peut abreuver plein de gens toute sa vie, elle n'aura pas la récompense de cette femme. Donc il y a plein de critères qui font qu'une même œuvre, elle peut être lourde, plus ou moins lourde. Il y a aussi également ittiba' as-sunnah, le fait de suivre la sunna dans une œuvre. Ça fait qu'elle a beaucoup de récompenses. C'est comme par exemple quelqu'un qui fait le Hajj. Quelqu'un qui fait le Hajj, on va prendre l'exemple de deux personnes. Deux personnes, elles font le Hajj la même année. Donc il y en a un parmi eux, il se dit pas, tiens, je vais apprendre comment on fait le Hajj, je vais lire un livre sur le Hajj, je vais regarder comment le prophète faisait ça, là, ça, là. Non. Lui, il va au Hajj et puis voilà, le guide, il lui dit, tu viens là-bas, il va là-bas. Demain, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il suit. Son Hajj, il est valable. Il a fait son Hajj pour Allah et voilà. L'autre, qui est dans le même avion que lui, il lit. Il lit des livres dans lesquels il lit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel jour il est parti, il a fait tel acte, il a dit il faut faire telle chose, il est recommandé de tirer telle doua, il apprend la doua. C'est-à-dire que tout son hadj il le fait en ayant à l'esprit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a dit de faire ça, c'est lui qui nous a dit de dire ça. Ça n'a rien à voir. Le hadj du premier, le hadj du deuxième, ils n'ont rien à voir. Le premier il l'a fait en suivant comme ça, si on lui avait dit va de l'autre côté, il serait parti de l'autre côté. Et l'autre il le fait à la basira. Il le fait avec clairvoyance, il le fait avec savoir. Leurs deux œuvres, elles ne sont pas les mêmes, pas du tout. L'autre, sa récompense, elle est immense. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que il y a un fadlu al-alimi al-abidi, ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait le mérite qu'a un savant vis-à-vis d'un dévot, un abid, c'est-à-dire quelqu'un qui adore beaucoup Allah, il prie tout le temps, il jeûne tout le temps. Il dit c'est comme la différence entre la lune et le reste des étoiles. C'est-à-dire que la lune, elle est immense par rapport aux étoiles, quand on les regarde. Mais il dit un savant et un habit, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'un habit, il a beau faire plein de bonnes œuvres, mais il ne le fait pas avec savoir. Alors qu'un savant, même s'il fait peu d'œuvres, mais il le fait avec savoir, donc elles ont une grande récompense. Après, comme on disait, il y a également la conséquence de. La conséquence des actes, par exemple le fait que quand tu vas faire un acte, les gens vont te prendre comme exemple et ils vont le faire. Donc ça va multiplier ton acte. Ou alors le fait de faire une sadaqa jariya, c'est-à-dire faire un acte qui va perdurer. Par exemple, quelqu'un il écrit un livre, il a la récompense d'avoir écrit le livre. Mais après, quand quelqu'un lit le livre, il a la récompense de celui qui lit le livre. Si la personne met en pratique ce qu'il y a dans son livre, il a la récompense de celui qui met en pratique, et ainsi de suite. Donc imaginez-vous s'il y a 10 000 personnes qui lisent son livre. Lui, il ne s'en rend même pas compte. Lui. Au jour de la résurrection, il va arriver, il va voir tout ça devant lui. Donc tout ça fait que les balances, elles peuvent peser très lourd. Et on peut dire que, donc là, pour terminer sur ce sujet-là, que l'important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Il vaut mieux faire 2 rak'a. Par exemple, si quelqu'un veut prier la nuit, il vaut mieux qu'il fasse 2 rak'a. Posément, tranquillement. Dans ces 2 rak'a, il fait toutes les sunnas qu'il connaît, tous les trucs recommandés qui sont à faire dans la prière, qui ne sont pas obligatoires. Il fait beaucoup de doigts. Quand il récite le Coran, il se concentre, quitte à répéter des versets. C'est mieux de faire 2 rak'a comme ça que de faire 11 rak'a où tu es complètement ailleurs et ton seul but, c'est de finir tes 11 rak'a. Pareil pour le Coran. Au mieux lire 5 pages tranquillement. Et puis je l'ai inversé, j'ai pas compris, tiens, je m'arrête, je vais aller regarder dans le tafsir. Que de lire 20 pages, mais mon seul but quand je lis mes 20 pages, c'est que j'arrive à la 20e. Et après, je fais, ça y est, j'ai fini mon hizb pour aujourd'hui. Non. Là, le but, c'est là, la qualité, c'est mieux que là, que la quantité. Wa amma man khaffat mawazinu, fa ummuhu hawiya. Et quant à celui dont les balances seront légères, fa ummuhu hawiya, on va l'expliquer après. Donc les balances seront légères, pourquoi? Soit parce que de sa part du kafir, donc ses œuvres elles ne pèseront rien, puisqu'Allah dit dans le Coran à leur sujet, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. C'est-à-dire qu'Allah fera de leurs œuvres de la poussière dispersée. Vers leurs bonnes œuvres, ils ne les retrouvent pas au jour de la résurrection. Donc leurs balances, elles sont légères, elles sont vides. Ou alors ça peut parler aussi du mu'min, mais du croyant dont les œuvres sont trop légères par rapport à ses péchés. Et donc, quelle sera la conclusion? Fa ummuhu hawiya. Alors, qu'est-ce que ça signifie, fa ummuhu hawiya? Ça peut vouloir dire deux choses. En fait, ça veut dire deux choses. Soit, elle oum ici, ça veut dire la tête. Et hawiya, ça veut dire qu'il tombe. Fa ummuhu hawiya. Sa tête, elle tombera, c'est-à-dire elle tombera dans le feu, la tête la première. Ou alors, Ummuhu, ici c'est dans le sens Al-Ma'wa, son refuge. Son refuge sera Al-Hawiya. Et Hawiya, c'est un des noms de l'enfer. Pourquoi l'enfer a été appelé Hawiya? Parce que les gens y tombent, ils y dégringolent pendant des années et des années, avant de finir de tomber. Donc ça veut dire les deux, c'est-à-dire qu'il tombera la tête la première, ou alors ça peut vouloir dire son refuge sera Hawiya. Et pourquoi le refuge ça a été appelé Eh bien c'est parce que c'est l'endroit vers lequel il revient. Comme un bébé, Abdullah ibn Abbas il disait, comme l'enfant revient vers sa mère, ben lui il reviendra vers l'enfer et il y restera. Wama adaraka ma hiya, et qui te dira ce qu'elle est, c'est-à-dire Hawiya, narun hamiya, un feu hamiya, c'est-à-dire un feu ardent, d'une grande chaleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le feu de l'enfer il est équivalent à 70 fois plus intense que le feu d'ici-bas. Donc comme il nous reste trois sourates, je ne vais pas les faire aujourd'hui parce que le cours il sera trop long. Donc on les garde pour. Donc du coup je m'arrête ici. Et on les garde pour la fois prochaine, Inch'Allah. Donc il nous reste trois sourates. Après on reviendra à Sabbih isma rabbika al-a'la. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ahli al-Qur'an. Allahumma a'inna ala qira'ati al-Qur'an wa tadabburihi wa tafahumihi wal 'amali bihi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Si vous avez des questions sur. C'est-à-dire, quand vous savez qu'on va faire des sourates, essayez d'y réfléchir la semaine. Par exemple, là, la fois prochaine, on fait At-Takathur. Essayez de le lire. Comme ça, s'il y a une question qui vous vient, vous voulez me la poser. Si je connais la réponse, je vous le dirai. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallah.